Allez, Jérôme, on écoute Jérôme, c'est parti. Galaxy. Galaxy. Music. For happy people. Happy people. Happy. Sound System, fréquence 95-30. Ouais, c'est bon. Hey. Ah, c'est excellent. En plus, il est fort à côté et il nous fait du scratch là. Ah, bah, hey, t'avais demandé tout à l'heure, t'avais demandé que Ice fasse du scratch. Ice fait du scratch. Il fait du scratch. Sexy. Bon, moi, il y a du Larsen. Alors, c'est un de vous deux qui a du Larsen. Alors, là, je sais pas lequel. Non, ça marche. C'est le caméraman. Merci Jérôme d'avoir mixé avec nous. Je t'en prie, Jérémy. Attends. Ça m'a fait énormément plaisir. Tu permets que je balance un petit jingle? Vas-y, lâche le liner. Allez, c'est parti. Putain, et ça c'est du professionnel. C'est du professionnel les gars. Bon Jérôme Bédo, comme je disais, merci, on te retrouve samedi soir, 23h01, Party House, un rendez-vous à ne pas manquer tous les samedis avec l'ami Jérôme au platine de Galaxy. Voilà. Et puis un prochain rendez-vous, tu m'avais dit donc la bûche du côté d'été. Oui, pour l'anniversaire, le birthday de Oxley. Ouais. Donc, et d'ici là, sur l'île aussi. Oui, quelques dates d'ici à mai-juin. Mai-juin, voilà. Sur l'île. Voilà. Bon. Un petit coucou à ma chérie Émilie. Bon, un petit coucou à Émilie. Et Jérôme qu'on te retrouve donc le samedi soir. Connie, en pleine forme toujours. Bon, en pleine forme, hein, on attaque le dernier quart d'heure. Là, on va attaquer un gros versus. Un gros versus parce qu'il y a l'ami Okos qui pousse derrière à 16h. Il faut lâcher les platines. Oh, Okos, vas-y, tu fais un versus avec nous jusqu'à au moins 16h30. Non. Il a dit qu'à 16h, son émission, elle commence et puis c'est tout. Donc, vous avez un quart d'heure, un bon quart d'heure là pour nous mettre le feu. Donc, en gros, un quart d'heure, on vous explique vite fait le concept. Un quart d'heure, donc il y aura Ice, il y aura moi, il y aura. Dust. Il y a tellement de monde, franchement, il y a tellement de monde, je sais plus. On serait 6, moi j'ai compté 6. On est 6, donc on est 6 en gros. Ouais, voilà, pendant un quart d'heure, on va enchaîner un maximum de morceaux. 6 sur 4 platines. 4 platines. Et ouais, ça existe. Ah ouais, c'est bon. Bon, en tout cas, c'est Ice qui commence, qui démarre, qui lance la.